Premièrement, j'taffe dur, avance dans mes projets, ouais ça c'est sûr. Faut que les ronds-pas soient fiers de ma face, comme si j'étais cool pour pouvoir toucher mes grâces. Soit tu joues la gare, soit t'es seul dans ton bus, soit t'as vraiment faim, soit tu parles de gourmandise. Moi j'suis un prince au milieu de l'échiquier. J'voulais devenir un king, mais fallait lécher des pieds. J'voulais devenir une bombe, ça c'était mon combat. Fallait avoir de l'ombre, ne pas rester dans l'ombre. Et voilà, aujourd'hui seul j'me suis fait Hadès, mon place, tu connais, c'est bien lui. Hadès des robotiques, celui que tu haïs, celui que tu fais qui. Ouais, c'est bien lui. Hadès des robotiques, celui que tu haïs, celui que tu fais qui. Hey yo, j'ai toujours des textes à lâcher, des émotions à cacher. Et moi dire je t'aime plus, c'est vraiment dur à lâcher. Sauf à ma chacha, mon chaton banane, c'est juste une case de dit. Hakuna Matata, si c'est des tests, plutôt pour les intimes. Je rappe depuis tout gosse, et pas pour des centimes. Pour mes futurs marrons, pense déjà à leur avenir. T'inquiète, c'est crié, l'ami arrache ton sourire. On fait les choses sérieusement, à des centimes connards. Fois de plus, on est pas interdit au bâtard. Spécial pour la gauchère, mes gars, donc à la prochaine. Ouais, c'est bien lui. Hadès des robotiques, celui que tu haïs, celui que tu fais qui. Ouais, c'est bien lui. Hadès des robotiques, celui que tu haïs, celui que tu fais qui. Demande à Loco, un bon rap depuis mes débuts. J'rappais déjà et ouais, bien avant qu'on soit vu. Le coup de main, c'est le coup de main, gars, il était présent. Aujourd'hui je remercie ceux qui ont fait tellement. En plus ça vient du cœur, moi sinon je parle pas. J'suis pas un suspect, comme ceux qui se disperrent. Même si un jour je perce et atteins la télé, t'inquiète pas, j'serai toujours le même enfoiré. Pour tous mes bougnous, les renois du 9-2, du 7-5, du 9-5, ADES fout le feu. On a du bon son pour les bons coups et les mauvais gars. Son Hadès, une fois de plus dans les bacs. C'est comme bac et ça fait bac, bac, bac. Ouais, c'est back, bien lui. Hadès des robotiques, celui que tu haïs, celui que tu fais qui. Ouais, c'est bien lui. Hadès des robotiques, celui que tu haïs, celui que tu fais qui. Cut out the crowd.